Dieu, ayant fini de créer la vie, commença à observer son œuvre. Dans la savane, tout était parfait. Les animaux vivaient en harmonie avec la nature. Les oiseaux gazouillaient des mélodies qui partout calmaient les esprits. Les hippopotames et les zèbres s'abreuvaient aux rivières dont coule de l'or. Les girafes, du haut de leurs échasses, mangeaient des feuilles en observant le soleil qui se levait, encore rose de fatigue. Tout était parfait. Dieu était heureux de son œuvre d'art. Mais un jour, alors que le Créateur observait d'un œil ravi son tableau vivant, il fut interpellé par une scène de chasse. Un lion, tapi derrière un vieil arbre tordu prêt à rendre l'âme, observait une jeune antilope qui s'abreuvait dans une flaque de boue non loin de là. Le chasseur en salivait déjà. Il était affamé et cette antilope semblait être une proie facile. Lentement, se rabaissant sur ses quatre grosses pattes, l'animal se rapprochait discrètement de sa proie. Arrivant par derrière, l'antilope ne le voyait pas arriver, trop concentrée sur la maigre flaque de boue dont elle s'abreuvait. Le lion, par mégarde, écrasa une branche du vieil arbre qui jusqu'à maintenant le cachait. Cette branche lâcha un craquement qui retentit à travers la savane. Tous les animaux se retournèrent, dont l'antilope, qui comprenant le danger imminent, étendit ses longues jambes élancées et se mit à courir pour sa vie. Le prédateur, repéré, comprit qu'il n'avait plus besoin de se cacher et lança ses pattes musclées en direction de sa proie. L'antilope, par chance, esquiva les griffes du lion, mais ce n'était pas fini. Elle devait s'enfuir. Son cœur battait la chamade, l'animal n'avait pas eu le temps de réfléchir que ses jambes l'emmenaient déjà loin du chasseur. Le lion, bien que fâché de n'avoir pas été assez discret, n'abandonna pas et poursuivit l'antilope. Les deux animaux étaient de plus en plus proches, le félin avec ses élancées rattrapait le bovidé qui, avec ses petits bonds, ne faisait pas le poids face à la montagne de muscles de son assaillant. L'antilope, à bout de souffle, se faisant rattraper, eut tout à coup une idée. Usant de ses dernières forces, la bête tourna en direction des hautes herbes très présentes dans la savane et y pénétra. Avec ses longues pattes, l'animal pouvait se déplacer aisément dans cette broussaille en effectuant de longs sauts. Son assaillant, lui, fonçant droit dans les hautes herbes, commençait à souffrir de ses ronces qui lui déchiraient la peau. Et rapidement, le lion dut s'arrêter et se résigner à abandonner sa proie. Dans les jours qui suivirent, le félin essaya plusieurs fois de chasser des animaux. Mais ceux-ci, ayant vu la scène précédente, connaissaient le point faible du lion. Eh oui, avec ses poils courts et sa corpulence, celui-ci ne pouvait pas se déplacer dans les hautes herbes de la savane. Au fil des jours, le lion échoua à chacune de ses tentatives de chasse. Il maigrit énormément et devint la risée de la savane. Les babouins, moqueurs, riaient constamment de lui. Le félin, affamé, attristé et honteux, alla se cacher dans une grotte, loin de tout, afin de se laisser mourir. Dieu, ayant vu toute la situation, fut ému par l'histoire du lion, et ne pouvait se résigner à laisser un animal souffrir. Le divin décida d'user de ses pouvoirs, et de donner au lion une épaisse fourrure châtaigne, douce comme du velours. Cette fourrure empêchera au lion de se griffer dans les hautes herbes, et lui permettra ainsi de chasser, se disait-il. Le lion, tout fier de sa nouvelle fourrure don de Dieu, alla se pavaner dans toute la savane. Les autres animaux étaient morts de jalousie. Le félin, ayant fini sa vantardise, et se rappelant de sa famine, se terra derrière un buisson, et attendit patiemment qu'une proie arrive au point d'eau le plus proche. Mais lorsqu'un élan, assoiffé et éreinté, vint calmer sa soif, et que la course-poursuite commença, le lion, entouré de sa toute nouvelle fourrure, fut rapidement épuisé de la course, et vit sa proie s'éloigner inlassablement, heureuse d'avoir échappé à la mort. Eh oui, car la magnifique fourrure de poils longs que portait désormais le lion lui tenait horriblement chaud, et lui faisait transpirer à grosses gouttes. Cela l'empêchait de faire les longues courses qu'il avait pourtant l'habitude de faire depuis son plus jeune âge. Tous les animaux de la savane virent la scène et se moquèrent du lion. Lui qui était si fier de sa fourrure, désormais ne pouvait plus courir. Durant les jours qui suivirent, le félin continua malgré tout à essayer de chasser. En vain. À nouveau, les babouins riaient de lui du haut de leurs branches, et rapidement, il redevint la risée de la savane. Le lion, replongeant de plus belle dans sa dépression, suite au faux espoir que lui avait donné la fourrure, retourna dans la grotte éloignée de tout, afin de se laisser mourir. Dieu, honteux d'avoir brisé le lion par sa maladresse, voulut s'excuser en rachetant ses erreurs. Après un instant de réflexion, il trouva la solution. Il enleva la fourrure du lion, sauf au niveau du bas de sa tête et de son cou, afin de lui laisser une magnifique crinière de velours brun. Étant toujours affamé et ayant remarqué un magnifique et jeune zèbre au loin, le lion, désormais équipé de sa douce crinière, se cacha derrière un vieil arbre gigantesque dont les branches semblaient toucher le ciel et dont les racines étaient prises au plus profond de la terre. Lorsque le zèbre passa au plus proche, le prédateur, jusqu'ici caché par l'immense arbre, bondit sur sa proie. Le zèbre, jeune et vigoureux, parvint à éviter le lion et se mit à fuir. Le félin le poursuivit durant une dizaine de minutes et commençait à rattraper l'équidé qui commençait à fatiguer. Le lion, lui, ayant perdu une grande partie de sa fourrure, n'avait plus de problème à courir. Le zèbre, étonné que le lion puisse à nouveau courir, était malgré tout très futé, et se souvenant du premier point faible du lion, se lança de toutes ses forces en direction des hautes herbes. Mais désormais, le félin, protégé par sa crinière, ne se faisait plus griffer par les ronces, et rapidement, celui-ci rattrapa sa proie. La bête profita de son unique repas depuis bien longtemps, et suite à cela, alla exhiber sa crinière à toute la savane, la tête haute. Tous les animaux, jaunes de jalousie et se sentant honteux de s'être moqués du lion jusqu'à maintenant, lui tirèrent leur révérence. Dieu, heureux, déclara le lion roi des animaux.